Retard, loyer, eau froide, hiver, sous dette, noyer, fuck la misère. Oui, j'ai donné, yeah. Oui, j'ai donné, yeah. Mère au foyer, oui, je l'ai viscère. Traqui, nalé, ta main qui pleure. J'suis désolé, yeah. J'suis désolé, yeah. Mouchoir de satin, j'essuie les pleurs sur tes pommettes. Et pour être honnête, t'aurais rien dû me faire promettre. J'ai commis mes faits, bâti tes plans sur la comète. Bonbonne pesette, s'il faut, j'suis prêt à m'y remettre. J'connais haut et j'connais bas, j'ai tout eu même ce que j'voulais pas. Ton corps sans vie posé là, hier on riait aux éclats. Jure sur ma life que père à l'enculé qui a brandi la lame. Tu peux pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Je n'ai fait que faire ce que j'ai cru nécessaire. Et j'pensais être plus vicieux, plus malin que mes prédécesseurs. J'veux laver péché, mais j'ai percé la bassine. Et j'vends du rêve aux joies pour que nos drames fassent. Retard, loyer, eau froide, hiver, sous dette, noyer, fuck la misère. Oui, j'ai donné, yeah. Oui, j'ai donné, yeah. Mère au foyer, oui, je l'ai viscère. Traqui, nalé, ta main qui pleure. J'suis désolé, yeah. J'suis désolé, yeah. Demande pas ce que j'fais tous les soirs. Brolic, Max, et tout est noir. Billets de con tous les soirs. Cagoule, les gants, tout est noir. Demande pas ce que je fais tous les soirs. Demande pas ce que je fais tous les soirs. Brolic, Max, et tout est noir. Tout est noir, tout est noir. Billets de con tous les soirs. Cagoule, les gants, tout est noir. Oh, ça fait longtemps qu'on vend la pure. Kilogramme détaillé dans la porte. J'suis broliqué donc j'encule ma peur. Ils sont plus que bien mais ils guettent ma part. Les billets sont purple. J'ouvre le terrain, j'suis dans le cartel. J'réponds quand le Yankee m'appelle. Une boucave qui meurt ne fait pas de peine. Et si je m'éloigne des miens, que je suis pas aussi présent, ne m'en voulez pas. Et si je m'éloigne des miens, c'est pour aller viscer les Yankees tous les soirs. Et si je m'éloigne des miens, que je suis pas aussi présent, ne m'en voulez pas. Et si je m'éloigne des miens, c'est pour aller viscer les Yankees tous les soirs. J'suis dans le mal, malgré qu'il y ait des biens. J'me perds dans les deux fronts, seul y'a, j'sais plus y'a combien. J'suis dans le mal, malgré que j'ai des biens. J'me perds dans les deux cons, seul y'a, j'sais plus y'a. Retard, loyer, eau froide, hiver, sous dette, noyer, fuck la misère. Oui, j'ai donné, yeah. Oui, j'ai donné, yeah. Mère au foyer, oui, j'l'ai viscère. Traqui, nalé, ta main qui pleure. J'suis désolé, yeah. J'suis désolé, yeah. Demande pas ce que j'fais tous les soirs. Brolic, Max, c'est tout est noir. Brolic, Max, c'est tout est noir. Billets de con tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs. Cadeau, les gants, tout est noir, yeah, yeah, yeah. Demande pas ce que je fais tous les soirs. Brolic, Max, c'est tout est noir. Billets de con tous les soirs. Cadeau, les gants, tout est noir, tout est noir.